Mais un maître, ça sert à quoi de d'appeler quelqu'un un maître? On est tous des maîtres. Sauf que c'est évident, comme tout à l'heure dit monsieur, si on parle de Jésus-Christ, bon, OK, c'est une personne que j'aimerais bien rencontrer, que j'aimerais bien discuter avec, puis que j'écouterais. Mais de là à aller me jeter à ses pieds, puis tout ça, ben là, quand on parle du maître Jésus-Christ, je pense qu'il me mettrait un bon coup de pied parce que je pense pas qu'il aimerait que le monde vienne se jeter à ses pieds. Il y a eu un moment donné que c'était nécessaire pour l'humanité, ça va de soi, le monde s'accrochait seulement à ces choses-là, c'était bon. Mais aujourd'hui, c'est plus de croire en ce qu'on dit, c'est de comprendre ce qu'on dit. Puis quand on comprend, ben c'est pas parce que je le dis. Pour ça, c'est lui qui comprend. Puis s'il vient me vénérer, je suis devenu un maître. Puis si je me laisse vénérer, ben là, je suis un gourou. Mais le monde aime ça, se traîner à genoux. Eh bien, c'est évident que le monde aime ça parce que ça les rassure. On n'a plus à chercher. Pendant longtemps, moi, je cherchais tout seul. Puis j'espérais rencontrer Dieu ou rencontrer quelqu'un qui viendrait commencer à m'établir mon chemin et à me le définir. Parce qu'enfin, j'aurais pu me casser la tête. C'est une tête trop dure. Toutes les fois qu'il y a des chemins qui sont définis dans ce genre-là, j'ai jamais pu y croire. Fait que là, je suis rendu, j'en suis rendu, sauf que là, j'ai plus besoin d'avoir ces choses-là. Est-ce que ça veut dire que cette démarche-là est solitaire? Est-ce que tu es seul? Je suis pas le seul, mais c'est une démarche Non, mais je solitaire. veux dire, est-ce que tu es seul, dans le sens qu'il y a peu de personnes avec lesquelles, tu peux communiquer ce genre d'informations ou échanger? C'est-à-dire, dans le sens qu'on le fait à soi, non, il n'y a aucun problème. On peut communiquer ça à beaucoup de monde, mais certaines personnes avec qui on peut échanger des conversations, des choses, on peut échanger. Que ce serait dangereux de pouvoir étaler ça en public, quoi. Des choses qu'on peut pas parler. Il y a un temps alors pour chaque chose, pour chaque compréhension Oui, il y a un dans moment donné, il y l'évolution. a certains individus qui sont prêts et qui viennent là pour ça. Certains individus viennent pour pouvoir se faire casser des formes plus solidement que d'autres. Mais il y a toujours un temps pour que tu passes, ça va de soi. On n'a pas à déterminer quoi que ce soit, ça vient tout seul. Et quand je dis tout vient tout seul, ça ne veut pas dire qu'on s'assoit sur sa chaise et qu'on se dit, mais attends, à un moment donné, crée mon avion, va venir me chercher ici si je dois aller à Porto Rico. Non, c'est pas ça. À un moment donné, si moi je m'en vais à l'aéroport, je prends l'avion, c'est parce que je vais y aller. Mais c'est pas naturel, je veux dire, c'est ça qu'il y a. C'est qu'une personne qui n'a pas la compréhension du jeu du temps va l'interpréter justement d'une façon qui est suspecte et dangereuse. Alors, justement, c'est pas le temps de commencer à parler de la compréhension du temps, parce que l'homme n'est pas prêt à en entendre parler, l'homme va l'interpréter. Il va tout le déformer. Ça peut pas être appliqué dans un phénomène, dans un vécu quotidien, la déformation que l'homme va faire de l'explication qu'on peut donner du contrôle du temps. Tu donnes un séminaire, je crois que c'est la semaine prochaine. Ouais, je donne un séminaire intensif, une fin de semaine complète, ouais, dans une auberge d'un canton de l'Est, une auberge qu'on a louée au complet. Puis c'est pas un séminaire oral, c'est un séminaire que le monde vont vivre de quoi. Puis par les expériences qu'ils vont vivre, ils vont comprendre des choses. On va pas loin, c'est simplement leur faire comprendre c'est quoi le phénomène astral à l'intérieur d'eux autres, c'est quoi le phénomène mental, puis à travers les événements qu'ils vont vivre là, c'est quasiment une colonie de vacances, ça dure 2 jours, à l'intérieur des événements qu'ils vont vivre, ils vont être capables d'acquérir de par eux autres mêmes le discernement entre l'astral et le mental. À partir de là, vu que c'est dans des événements, mais tout au long de leur vie, quand l'émotivité, quand l'astral vient teinter le mental, ils vont s'en rendre compte. Ils souffriront plus, ils auront plus de douleur, ils auront plus de peur, plus de crainte, puis ils vont être capables d'agir mentalement dans un monde qui est justement mental. De plus en plus, c'est mental. On a des ordinateurs, on a des radars, les avions sont contrôlés simplement par des choses électriques. Tout ça est identique au phénomène mental de l'homme. Ça veut donc dire que toi aussi tu suis la mode. C'est-à-dire? Mais puisque ce sont encore des thèmes qui sont à la mode aujourd'hui, l'astral, le mental, etc. Parce que oui, je suis la mode dans le sens que je communique par les mêmes mots. Mais j'ai mes mots à moi, puis lentement, c'est des mots qui vont être un peu plus clairs que ces mots. Alors il aurait peut-être fallu employer un autre mot que mode. Est-ce que tu aurais un autre mot que mode? Parce que je trouve que ça traduit pas Oui, très mais je bien ce suis qui se simplement passe. l'aligné présentement de l'évolution du vocabulaire de l'homme. Puis les précurseurs qui sont passés avant moi, je suis pas là pour détruire leur langage, on fait pas une compétition. S'ils emploient un mot à un moment donné, qui sont capables de bien le définir, puis le lancer dans le public, bah, je n'ai pas la gêne d'employer le même mot que lui. Pas de mode, c'est une lignée qui est lancée. À un moment donné, on va parler d'intelligence passive, on va parler d'intelligence active, on va parler de d'autres choses qui vont définir encore plus les mots, et puis il y en a d'autres qui vont suivre, qui vont utiliser les mêmes mots, puis je pense que c'est bien normal, on n'a pas à se sentir culpabilisé ou encore à s'enorgueillir de prendre le mot d'un autre. Si le mot est bien défini, le mot est bien lancé, ben tout notre vocabulaire qu'on se fait, les mots que d'autres ont lancés. C'est pas une mode, c'est une énergie qui est lancée, c'est une lignée qu'on la suit. Bon, alors, le thème de ton séminaire, c'est de l'astral au mental, le programme. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que ce passage de l'astral au mental?

Là, l'âge d'or de l'humanité va commencer, puis on est parti pour quelques 13 000. Alors, dans une phase intermédiaire, on passe donc Phase de crise. une phase de crise qui est celle de la transmutation des énergies émotionnelles en énergie mentale. Oui. Après Premièrement, quoi, oui. il y a une énergie, une volonté peut-être à faire descendre dans le mental, Certaines dans un formes but de d'énergie, perfection oui, peut-être. ça veut dire que c'est ça, exactement, oui. Une forme de perfection, oui. Mais une autre transmutation qui fait que le mental va finir par être assujetti à une force plutôt supramentale, c'est-à-dire un mental supérieur, donc plus intelligente que le mental. Est-ce qu'il y a des hommes sur Terre qui ont perçu ces phases-là ou qui ont déjà parlé d'une phase supramentale dans l'évolution future de l'humanité? C'est-à-dire que présentement, il y en a, oui. Qui ça, par exemple? Ben, il y a toujours Bernard. Il y a moi. Et puis? Ben, il y en a eu d'autres. Je connais pas toutes. Je pense que les premiers à en avoir parlé, c'était Aurobindo. Oui, d'accord. Dans le passé, un peu de Satprem, la Aurobindo. mer. Oui. C'est eu Krishnamurti qui s'en est rapproché énormément, mais lui, il est resté tout au niveau de la psychologie, il a quand même fait faire un grand pas. Oui, entre autres, tout cela, effectivement. Oui. Donc, c'est un phénomène qui a déjà été intuité ou appréhendé depuis déjà des années ou des Oui, parce décennies. qu'avant, tu avais une personne qui en parlait, présentement, tu as beaucoup, puis surtout, tu as beaucoup plus d'auditeurs. Mais Parce que aujourd'hui, l'humanité est de plus en plus prête. mais peut-être à la différence que ces gens-là, il y a 40 ans ou 50 ans, comme Aurobindo, ont intuité le phénomène supramental sur la Terre et qu'aujourd'hui l'homme est en train de le vivre Oui, c'est ça. petit à petit. C'est beaucoup plus que ça. Pour ça, je te dis que lui était tout seul, maintenant il y en a plusieurs. Beaucoup plus de public. C'est normal, l'homme en va vers ça, puis l'homme commence à le comprendre, puis l'homme va aller voir. Il n'y a pas le choix. Qu'est-ce qui caractérise un individu, une personne qui commence à vivre la pénétration de l'énergie supramentale? Mais comme je te dis, à un moment donné, il y a une époque. Ben, premièrement, il faut que tu fasses un discernement entre l'astral et le mental. Ça, tu n'as pas le choix. Ça, c'est enclin à ça. Tu t'en vas vers ça. Quand ça, c'est fait, ben, automatiquement, on appelle ça l'intuition. On appelle ça, bon, il y a différents noms pour essayer de définir ça, qui amène quand même toujours à des formations. À un moment donné, l'astral peut jouer le rôle du supramental. Ça y arrive à un moment donné où c'est que tu es en crise parce que justement, tu as des possibilités de savoir, tu as des connaissances qui te sont données d'un coup. Mais ces connaissances-là, ils peuvent venir justement d'une énergie lumineuse, d'une énergie intelligente, donc du supramental. Mais ces connaissances-là peuvent encore venir de la mémoire de l'astral, mémoire de phénomènes similaires qui sont arrivés, puis automatiquement, il y a une connaissance qui est donnée à l'homme, la mémoire de l'astral, c'est emparé de la connaissance, ça vient te donner cette connaissance-là. Alors, il y a une époque intermédiaire où c'est que toi, tu as l'impression, comme on dit, que tu es connecté, sauf que tu es connecté à l'astral. Tu vas dire des choses absolument réelles, absolument extraordinaires, absolument merveilleuses. Tu vas ramasser un public extraordinaire, puis à un moment donné, tu vas commencer à sortir des mots de cimenterie. L'astral va jouer le jeu, puis elle va récupérer tout le monde. Toutes les reines de l'astral. Mais c'est une phase, ça, qui, en termes de conférencier, de narrateur, qui t'amène des fois à réfléchir sur ce qui vit, sur la profondeur des choses que tu peux dire. C'est pour ça que souvent on dit que pas le temps d'en parler. Alors tu peux donc être un canal pour une mémoire planétaire Ou, ou oui, une mémoire canal, cosmique, tu veux ou dire? une mémoire ou un savoir cosmique, oui. Alors, ça, c'est la phase intermédiaire, puis il y a un moment donné où c'est que tu te diriges de plus en plus vers le savoir cosmique, Mais c'est-à-dire c'est que quoi qui caractérise, l'individu même extérieurement parlant? par quoi est-ce qu'il se différencie d'une autre personne, quelqu'un qui est à un niveau de supraconscience maintenant? Bon, ben, il n'y a pas grand-chose. Pas dans l'état. Physiquement, émotionnellement, Non. mentalement, Dans l'état où qu'est-ce qui ce change? Bon, ben, c'est-à-dire qu'extérieurement parlant, il n'y a pas grand-chose qui change parce qu'on est obligé de jouer le jeu de la population pour ne pas justement que, bon, c'est déjà arrivé dans d'autres époques, Tu là. dis on, donc tu t'inclus. Oui, je m'inclus. On est obligé de jouer le jeu de certaines personnes, donc de faire comme si on était comme tout le monde, sauf qu'on est tellement conscient de ce qui se passe que c'est facile de jouer ça. Mais il vient un moment donné où est-ce qu'on ne pourra plus le jouer, mais en même temps qu'on ne pourra plus le jouer, à cause des transformations qu'ils vont faire au niveau physique, vital, après le mental, puis lentement au niveau supramental, ce qui va arriver, c'est que des événements, comme tout à l'heure parlait monsieur, qui vont commencer à tourbillonner autour de nous, puis nous, on ne pourra plus jouer le jeu parce qu'on va être trahi par les événements même autour de nous. Alors, ce qui fait qu'il y a une partie intermédiaire où ça va bien. Si l'individu arrive dans un temps social trop vite à cette mutation-là, il est obligé d'aller se cacher. Il ne pourra pas la vivre dans une société ou dans une socialité comme on l'a présentement. Mais pourquoi ça? Parce que l'homme va simplement va le détruire. Il y a trop de formes implantées, des immenses formes qui peuvent être gouvernementales, religieuses, qui peuvent être sectaires, qui pourront pas admettre quelque chose comme Mais ça. pourquoi est-ce qu'il est dangereux, cet homme-là? Il n'est pas dangereux, mais ça veut dire qu'il n'est pas dangereux dans le sens de l'évolution de l'humanité, mais déjà, il est dangereux en crime pour les freins à l'évolution de l'humanité, freins qui, de toute manière, vont disparaître. Alors, ce qui fait que quand cet homme-là, si, socialement parlant, vit trop vite sa mutation, ben, cet homme-là, il n'a pas le choix, il va falloir qu'il cache. Puis, on en a l'exemple, on a toujours eu l'exemple de personnes qui, à un moment donné, ont tout caché sous le voile de l'ésotérisme, puis ont été obligés de disparaître simplement de manière qui pouvait être comprise logiquement par la société extérieure, mais qui n'était pas nécessairement une réalité. Et puis, il va venir à un moment donné, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, que d'autres individus vont commencer à vivre cette mutation-là extérieurement parlant, vont commencer à transformer les événements comme l'homme présent ne peut pas le faire. Puis ces êtres-là, ben, vont commencer à, ils vont pouvoir commencer à le vivre, mais pas encore, pas dans nos grandes villes. Mais ça va commencer en campagne quand même. Qu'est-ce que tu as voulu dire tout à l'heure quand tu as dit on peut jouer astralement au supramental? Je veux dire par là, c'est que l'astral connaît tout ce que je dis présentement, c'est enregistré au niveau de l'astral. L'astral a la connaissance égale à ce qui a été dit de plus élevé sur la Terre entière. Alors, si à un moment donné, tu aurais, par exemple, un grand, grand, grand, grand, grand maître qui vient parler puis qui donne une connaissance à un petit groupe puis il la donne verbalement, connaissance absolument dangereuse, extraordinaire ou poussée ou n'importe quoi, ben, l'astral s'en empare mémoriellement parlant. Ce qui fait que toi, à un moment donné, tu peux faire une conférence, tu peux être connecté à l'astral, tu vas dire la même chose que le grand maître. Puis, faut dire franchement, moi, t'écouter. Parce que ce que tu dis, c'est vrai. Mais tu es juste dans le domaine astral, tu es dans la sphère de l'astral supérieur, un astral spirituel extraordinairement élevé, un astral supramental, où tu te crois, tu te prends pour, mais tu es toujours obligé d'aller à la source de ta connaissance pour venir la vomir en public. Si tu es réellement supramental ou en contact de temps en temps, ou si ton mental est arrivé à un niveau tel qu'il peut percevoir une vibration qui est supramentale, t'as pas besoin d'aller à la source de Bernard, d'aller à la source de cassette, d'aller à la source de voyage astro, d'aller à la source de méditation, donc à la source de l'astral, pour pouvoir continuer à dire ce que tu veux dire. C'est la différence entre un et l'autre. Il y en a un qui est attaché à une source, il y en a un qui ne l'est pas. Mais celui qui est attaché à la source peut jamais s'en rendre compte, puis il est dans l'astral, puis il joue le jeu de l'astral supramental. C'est le dernier piège, de toute façon, qu'il peut attendre l'homme. Bon, alors, comment diagnostiquer le supramental chez quelqu'un? Ben, c'est simple, quelqu'un qui est supramental le sait, quelqu'un qui n'est pas supramental ne peut pas le diagnostiquer, c'est bon. Mais ça n'empêche pas que ce que la personne qui est astrale dit peut être très bon. Ça n'a aucune importance présentement. L'astral joue ce jeu-là, mais il va perdre le jeu-là. Autrement dit, il nous fournit plus d'éléments pour pouvoir parler. Alors celui qui serait assujetti par des forces astrales ou la mémoire planétaire et qui voudrait traduire un langage supramental, donc qui fourvoierait le monde, il aurait un karma épouvantable certainement à vivre. En tout cas, une loi de conséquence ou de retour. C'est-à-dire que tant que l'astral s'en emparera pas pour récupérer ceux et les dissidents astrales, il n'y aura pas de karma planétaire ou de karma à vie. Mais à l'instant même qu'il va commencer à prendre conscience du phénomène, tu as commencé à vouloir continuer de par son orgueil, de par tout le schéma astral d'émotion, ben là, évidemment, cette personne-là devient un handicap à l'humanité. Mais à la vitesse qu'on s'en va présentement, il n'y aura pas de personnes comme ça qui vont être assez fort faire de quoi. Oh, ils vont toujours pouvoir prendre certains individus, etc. Mais il va y avoir en masse de population, il va y avoir une masse de population qui ne seront pas prendre à ça. Parce qu'il va y avoir une masse de personnes, d'orateurs, c'est mieux, qui justement vont Ça va être. être très difficile pour le public de diagnostiquer justement On ne le pourra pas jeu. le diagnostiquer. Bon, alors c'est un danger dans le Oui, c'est un sens que danger d'enfance, il y a une dans force ce qui sens-là. tire vers le bas, puis une force qui tire vers le haut, mais si on n'a Oui. pas le discernement, si c'est impossible pour toi Non. de diagnostiquer l'intelligence ou le supramental, l'homme est encore une fois livré à lui-même. Exactement, mais ça, l'homme a toujours été livré à lui-même, puis c'est d'ailleurs ce qu'il faut que l'homme apprenne, c'est que c'est lui, il faut qu'il se prenne en main. Et si l'homme réussit à se prendre en main, qu'il tombe sur un narrateur qui est astral ou un narrateur qui n'est pas astral, il n'y a aucun danger pour l'homme. Il se prend en main, il n'y a pas besoin de maître. Alors, dans le doute, il est bien mieux de s'abstenir et de garder une position de neutralité totale. Oui, mais il faut quand même qu'il aille voir quelque chose, si ça lui intéresse d'aller voir quelque chose. Sauf que il est capable lui-même de prendre ses décisions, l'homme d'aujourd'hui. On n'a plus besoin de commencer à lui dicter son chemin. Je ne suis pas pour commencer à dire « faites le bien ». Il y en a bien qui font le bien puis ils font mal, hein, on le sait. Bon, mais tu peux pas, c'est fini ça. Mais l'homme qui a besoin de ces choses-là, l'homme qui a besoin de se faire dicter le chemin, ben c'est ceux-là, plus souvent qu'autrement, qui vont se ramasser disciples de ceux qui vont être astral, astralo-mental, astralo-supramental. Quelqu'un Mais qui est au niveau supramental ne forme pas de disciples, si j'ai bien compris. non. des personnes peuvent se décider du site puis vouloir le suivre. Ils vont rusher en tabarouette. Puis on mange des claques. À un moment donné, ils vont comprendre. Ça, c'est sûr. C'est eux autres qui vont souffrir le plus. Parce que ils suivent pas le bon maître pantoute. Ils vont les amener à la libération, mais pas à la libération qu'eux autres ont conditionnée à l'intérieur d'eux. Une libération qui est inconditionnelle, puis qui va arriver, et qu'inconditionnelle veut dire aussi libération même de la source qui te libère. Alors ça, il n'y a pas libération. Est-ce que c'est tout ce processus qu'on appelle le passage de la cinquième à la sixième race et qui est symbolisé par ce ouais, tableau? Par l'arbre qui meurt, puis à travers lui, l'arbre qui vit, oui, c'est exactement ça. Il n'y aura pas de mort, mais tout le monde va voir une mort, tout le monde va avoir peur, tout le monde va se dire, mais comment qu'on va vivre si j'ai plus d'émotions? Non, on va avoir des émotions, ça, tu n'as pas compris. Comment qu'on va vivre si j'ai plus de désir? Non, ça, tu n'as pas compris non plus. Comment qu'on va vivre si ça, c'est l'arbre qui a tout le monde a l'impression qu'il meurt? L'homme qui s'en vient, l'homme de la sixième race, là, c'est quelqu'un qui va être créatif au maximum, mais différemment de ce qu'on a dans la cinquième race, c'est quelqu'un qui non seulement va être créatif, mais qui en plus va pouvoir créer. Différent de ce qu'on a là, on est tous brimés dans notre créativité continuellement. On a des bonnes idées, on essaye de faire de quoi, mais on n'arrive pas à créer, on n'arrive pas à créer jamais comme qu'on va créer d'ici peu. Alors, la sixième race, c'est quelque chose, justement, qui va être transmuté, ça va être absolument différent, pas physiquement, mais différent en termes psychologiques, en termes mentaux, puis en termes aussi de ce qui va l'entourer comme événement. Ce ne sera pas pantoute comme on est là. On va peut-être être le jeu, mais c'est un jeu le fun. Là, c'est un jeu qui n'est pas le fun pantoute. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter en guise de conclusion ou de en sur conclusion, tes activités? Ben oui, conclusion, oui. Est-ce que tu vas donner une autre conférence ici au centre? Oui, jeudi prochain. Ben, jeudi prochain, je vais... De toute façon, en tous les trois jeudis, maintenant, je vais donner une conférence ici au centre. Alors, jeudi prochain, je donne une conférence. Ça va être réellement la psychologie de l'illusion. 3 semaines après, ça va être les mécanismes de la peur. 3 semaines après, ça va être la psychologie de la libération. Les mécanismes pièges dangereux, justement, pour l'homme. Puis, je vais avoir un animateur avec lequel je vais pouvoir m'amuser, Michel Rappu. Et puis, oui, on va du fun. Fait que ça, on va commencer à aller plus en profondeur, puis plus en termes pratiques les jeudis qui vont venir. Puis le prochain jeudi, c'est jeudi la semaine, cette semaine, la psychologie de l'illusion. Eh bien, c'est un rendez-vous qu'on se donne, Daniel, et puis on te remercie bien gros. On rappelle ton séminaire qui aura lieu la semaine prochaine. Il nous reste 5 places, alors je sais pas si... OK, d'accord. En tout cas, c'est enregistré pour le vidéo et pour la postérité. Merci beaucoup, Daniel. De rien, merci de votre attention.